Chapitre 21e, tout au-dedans et noir comme la nuit. Paul Marchmont ne quitta la ferme de Stoney Stringford que vers l'heure du crépuscule, par cette belle journée d'été, et le crépuscule est lent à venir dans les premiers jours de juillet, quel que soit le dégoût qu'un homme puisse éprouver pour le soleil. Paul Marchmont s'arrêta à la ferme déserte, erra dans les chambres vides, se promena d'un air rêveur dans le jardin négligé, ou bien demeura tout à coup immobile comme une statue, fixant pendant longtemps le mur devant lui et comptant les traces visqueuses des limaçons sur les branches d'un prunier ou les mouches prises dans les toiles d'araignée. Paul Marchmont avait peur de quitter cette ferme solitaire. Il avait peur et le courage ne lui était pas encore revenu. Il savait à peine ce qu'il craignait, car une espèce de stupeur avait succédé aux violentes émotions des quelques dernières heures. Le temps s'écoulait et son cerveau s'égarait quand il essayait d'envisager sa position. C'est chose très difficile pour lui que ce travail de la pensée. La calamité qui avait fondu sur lui était une calamité inattendue, imprévue. Il était habile et il avait confiance en son habileté. Il n'avait jamais pensé qu'il serait découvert. Jusqu'à cette heure, tout lui avait été favorable. Ses dupes et ses victimes avaient bien manœuvré entre ses mains. La douleur de Mary, qui avait fait d'elle une créature passive, tout à fait indifférente à son sort, son éducation particulière, qui lui avait tout appris, excepté la connaissance du monde dans lequel elle devait vivre, avait permis à Paul Marchmont d'exécuter un projet tellement infâme et hardi qu'il échappait aux soupçons des honnêtes gens, et tellement vil qu'il était presque en dehors de l'intelligence des coquins ordinaires. Il n'avait pas compté qu'il serait découvert. Tous ses plans avaient été mûris et préparés avec soin. Aussitôt après le mariage d'Edward et son départ pour le continent, Paul avait l'intention d'emmener Mary et l'enfant avec la domestique qu'il avait choisie pour eux dans quelques villages perdus du pays de Galles. Il aurait fait ce voyage tout seul, la nuit, et sans mettre personne dans la confidence, car la domestique n'était pas renseignée sur la position réelle de Mary. On lui avait dit que la jeune femme était une pauvre parente de Paul, et que son histoire était très triste. Si la malheureuse créature avait d'étranges idées et des illusions bizarres, ce n'était pas étonnant, car ses souffrances avaient été assez terribles pour tourner une tête plus forte que la sienne. Tout avait été arrangé, et si habilement arrangé, que Mary et l'enfant auraient disparu à la nuit quelque soir d'été, et Lavinia Weston elle-même n'aurait pu dire où ils étaient allés. Paul ne s'était pas attendu à être découvert. Mais il s'était encore moins attendu à être trahi par celle qui avait tout dévoilé. Il avait fait d'Olivia son instrument, mais il avait été prudent même avec elle. Il ne lui avait rien confié. Et quoiqu'elle eût soupçonné quelque infamie dans la disparition de Mary, elle n'avait rien su de positif. Elle n'avait pas menti quand elle avait juré à Edward Arundel qu'elle ne savait pas où était sa femme. Sans la découverte fortuite du secret du pavillon, elle n'aurait jamais été informée de l'existence de Mary après cet après-midi d'octobre dans laquelle la jeune femme avait quitté Marchmont Towers. Mais ici, Paul avait été trahi par la négligence de la jeune fille qui avait servi de geôlière et de servante à Mary Arundel. C'était l'habitude d'Olivia d'errer souvent dans le bois sombre du bord de l'eau pendant l'hiver, où Mary était prisonnière dans le pavillon du chalet. Lavinia Weston et Paul Marchmont passaient une bonne partie de leur temps dans ce pavillon, mais ils ne pouvaient y être constamment en sentinelle. Il fallait donner le change aux curieux, et la femme du médecin eut à accomplir tous les devoirs de matrone aux yeux de Camberling, et à fournir quelques prétextes plausibles à ses fréquentes visites au chalet. Paul aimait cet endroit pour y dessiner, dit Mrs. Weston à ses amis, et il était tellement enthousiaste de son art que c'était réellement un plaisir de s'associer à son enthousiasme. Aussi aimait-elle à rester avec lui à causer ou à lui faire la lecture tandis qu'il peignait. Cette explication fut suffisante pour Camberling, et Mrs. Weston fut au pavillon de Marchmont Towers 3 ou 4 fois par semaine, sans donner lieu à aucune médisance. Mais avec quelque habileté qu'on arrange soi-même ses affaires, il n'est pas toujours facile de s'assurer la prudente coopération des gens qu'on emploie. Betsy Morel était une jeune personne stupide, à l'esprit étroit, qui était très sûre en ce qui concernait la possibilité d'une sympathie ou d'une pitié quelconque pour Mary Arundel. Mais cette stupidité elle-même, qui la rendait précieuse d'un côté, la rendait dangereuse de l'autre. Un jour, tandis que Mrs. Weston était avec la jeune et malheureuse prisonnière, Betsy Morel s'enfuit au bord de l'eau pour causer avec un jeune batelier de bonne mine qui était son parent, et peut-être son admirateur, et elle laissa tout ouverte la porte de l'atelier. Olivia Marchmont entra sans but aucun dans le pavillon. Il y avait une étrange fascination pour elle dans cet endroit, où elle avait entendu Edward Arundel déclarer son amour à la fille de John Marchmont. Et elle entendit la voix de Mary dans la chambre au sommet de l'escalier. C'était ainsi qu'Olivia avait surpris le secret de Paul, et dès ce moment, ce fut l'affaire de l'artiste de gouverner cette femme par la seule arme qu'il posséda contre elle, son secret, sa folie, son fol amour pour Edward Arundel et sa haine jalouse pour la femme qu'il avait aimée. Cette arme était très puissante et Paul s'en servit sans ménagement. Quand la femme, qui pendant 27 ans de sa vie avait vécu sans péché, que depuis le moment où elle avait été assez âgée pour distinguer le bien du mal jusqu'à l'époque où Edward Arundel revint de l'Inde pour la seconde fois, avait rempli sévèrement son devoir, quand cette femme, qui peu à peu était tombée de son piédestal dans un abîme de péché, quand cette femme fit des observations à M. Marchmont, il se retourna vers elle et la flagella avec sa folie. « Vous venez me faire des reproches, » dit-il. « Vous m'appelez misérable et traître, et vous dites que vous ne pouvez supporter ceci, votre péché, et que votre faute, en gardant votre secret, vous crie la nuit de défaire ce que j'ai fait et de rétablir Mary Marchmont dans ses droits. Oubliez-vous quel est son premier droit? Oubliez-vous ce qu'il faut que je lui rende cette maison et le revenu qui en dépend? Si je lui rends Marchmont Towers, il faut que je lui rende l'amour d'Edward Arundel. Vous ne vous en souvenez plus, peut-être. Si jamais elle rentre dans cette maison, elle y reviendra en s'appuyant sur son bras. Vous les verrez ensemble. Vous entendrez parler de leur bonheur, et croyez-vous qu'il oubliera jamais la part que vous avez prise dans le complot? Oui, c'est un complot, si vous voulez. Si vous ne craignez pas de vous servir d'un vilain mot, pourquoi le craindrais-je moi aussi? Vous pardonnera-t-il jamais, croyez-vous, quand il saura que sa jeune femme a été la victime d'un amour vicieux, déraisonnable? Oui, Olivia Marchmont, l'amour est vicieux quand il est donné sans qu'on le demande, et c'est une passion si forte, une folie si aveugle et déraisonnable, que l'honneur, la pitié, la franchise, les sentiments chrétiens sont foulés aux pieds par elle. Comment supporterez-vous le mépris d'Edward Arundel pour vous? Comment supporterez-vous son amour pour Mary, multiplié 20 fois par toute cette romanesque affaire de séparation et de persécution? Vous parlez de mon péché. Qui est-ce qui a péché le premier? Qui est-ce qui a chassé Mary Marchmont de cette maison, non pas une fois, mais 2 fois, par sa cruauté? Qu'est-ce qui l'a persécutée et torturée jour par jour, heure par heure, non pas ouvertement, non pas par des coups qu'il était possible de parer, mais par des allusions cruelles, par des sarcasmes indignes d'une femme et par des reproches diaboliques? Interrogez votre cœur, Olivia Marchmont, et quand vous commencerez à vous repentir de votre faute, moi, je réparerai les torts causés par la mienne. En attendant, si cette affaire vous est pénible, vous êtes libre de faire ce qu'il vous plaira. Conduisez Edward Arundel au pavillon là-bas et rendez-lui sa femme. Donnez un démenti à toute votre vie passée et jetez ces amants dévoués dans les bras l'un de l'autre. Cette arme ne manquait jamais de faire son effet. Olivia Marchmont pouvait avoir horreur d'elle-même, de sa faute et de sa vie qui était affreuse à cause de cette faute, mais elle ne pouvait se résoudre à rendre Mary à Edward. Elle ne pouvait supporter l'idée de leur bonheur. Chaque nuit, elle se traînait à genoux et jurait à son Dieu offensé qu'elle accomplirait cet acte de justice, qu'elle ferait ce sacrifice expiatoire. Mais chaque matin, lorsque ses yeux revoyaient l'odieuse lumière du soleil, elle s'écriait « Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui !» Bien des fois, pendant le séjour d'Edward Arundel à Kemberling Retreat, elle était partie de Marchmont Towers avec l'intention de lui révéler l'endroit où était cachée sa jeune femme. Mais elle était toujours revenue sans avoir accompli son œuvre. Elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas. Au milieu de la nuit, par une pluie torrentielle et tandis que le vent glacé de l'hiver soufflait sur sa figure, elle était sortie pour se rendre au cottage et à moitié chemin, elle s'était arrêtée en s'écriant « Non, non, pas maintenant, cette tâche est encore au-dessus de mes forces. » Ce ne fut que lorsqu'une autre jalousie plus violente fut éveillée dans le cœur de cette femme qu'elle se leva tout à coup forte, résolue, indomptable, pour accomplir sur le champ ce devoir, si longtemps retardé. De même qu'un poison neutralise, dit-on, l'effet d'un autre, de même la jalousie d'Olivia Marchmont au sujet de Belinda sembla effacer et éteindre sa haine pour Mary. Il valait mieux s'attirer tous les malheurs, quels qu'ils fussent, que de voir Edward Arundel prendre une autre femme, plus jolie peut-être que la première. La femme jalouse avait toujours regardé Mary comme une rivale méprisable. Elle aimait mieux qu'Edward fût enchaîné à elle que de le savoir aimé d'une autre femme plus belle et plus digne de son affection. Tel fut le sentiment qui domina chez Olivia, quoiqu'elle ne sût qu'à demi elle-même que c'était là le mobile qui lui avait donné une force et une résolution nouvelles. Elle essaya de croire que c'était le réveil de sa conscience qui la poussait à faire cette bonne œuvre, mais dans la demi-obscurité de son esprit, il restait encore une faible lueur de la lumière de la vérité, et ce fut cette lueur qui la fit se jeter à genoux devant l'autel de l'église de Hillingworth et déclarer ce qu'il y avait de coupable dans sa nature. Paul Marchmont s'assura plusieurs fois devant les arbres fruitiers mal tenus en errant sans but dans le jardin négligé de Stone et Stringford, et en attendant que la confusion de ses pensées disparût et qu'il pût comprendre ce qui lui était arrivé. Sa première action raisonnable fut de tirer sa montre, mais même alors, il resta quelques moments à regarder le cadran avant de se rappeler pourquoi il l'avait tiré de sa poche ou ce que c'était qu'il voulait savoir. Au chronomètre de M. Marchmont, il était 7h10, mais la montre n'avait pas été réglée la nuit précédente et s'était arrêtée. Paul la remit dans la poche de son gilet, puis se dirigea par le sentier couvert d'herbe vers cette fenêtre basse et à persienne à laquelle il avait souvent vu Mary Arundel assise avec son enfant dans ses bras. Il s'approcha de cette fenêtre et regarda à l'intérieur en collant sa figure contre les vitres. La chambre était propre et mise en ordre, car la femme que M. Marchmont avait prise pour servante avait fait sa besogne comme d'habitude et il était occupé à remplir une petite théière en faïence avec l'eau de la bouilloire lorsque Paul examina la chambre. Elle releva la tête quand la personne de M. Marchmont s'interposa entre elle et la lumière, et elle faillit laisser tomber la théière tant elle eut peur du courroux de se remettre. Mais Paul poussa l'espagnolette et lui parla très tranquillement. « Restez où vous êtes, j'ai à vous parler, je vais entrer. » Il entra dans la maison par une porte qui avait été jadis l'entrée principale et s'ouvrait sur un vestibule à panneaux boisés. De ce vestibule, il pénétra dans le salon qui avait servi d'appartement à Mary Arundel et où la domestique préparait alors le thé. J'ai pensé que je ferais tout aussi bien de prendre une tasse de thé, monsieur, en attendant vos ordres, dit-elle sous forme d'excuse, car j'étais réveillée de si bonne heure ce matin, monsieur, que j'en ai un mal de tête insupportable, voyez-vous, et... Paul leva la main pour couper court au bavardage de cette femme, comme cela lui était arrivé déjà. Il n'avait pas conscience de ce qu'elle disait, mais le son de sa voix l'agaçait. Ses sourcils se contractaient avec force, comme si quelque chose lui blessait à la tête. Il y avait un coucou hollandais dans un coin de la chambre, et le long pendule se balançait près du mur. À cette horloge, il était 8h30. « Votre horloge va-t-elle bien ? » demanda Paul. « Oui, monsieur. Elle retarde peut-être de 5 minutes, mais pas plus. » M. Marchmont tira sa montre, la monta, et la mit à l'heure du coucou hollandais. « Et maintenant, dit-il, vous pourrez peut-être m'expliquer clairement ce qui s'est passé. Je ne veux pas d'excuses, m'entendez-vous ? Je veux seulement savoir ce qui est arrivé et ce qui a été dit, mot pour mot, ne l'oubliez pas. » Il s'assit, puis il se releva aussitôt et s'approcha de la fenêtre. Ensuite, il arpenta la chambre 2 ou 3 fois et revint prendre place sur le fauteuil auprès de la cheminée. Il ressemblait à un homme qui, en proie à quelque affreuse torture physique, éprouve du soulagement à ne pas rester immobile. « Allons, dit-il, j'attends. »« Je le vois, monsieur. » Mais en vous demandant excuse, vous me feriez plaisir de ne pas bouger pendant que je vous raconterai tout, car vous me rappelez les bêtes fauves du jardin zoologique, à un tel point, monsieur, que le bouillonnement du sang auquel je suis sujette depuis mon enfance pourrait m'empêcher de vous dire la vérité comme je le désire. Mrs. Marchmont, monsieur, est arrivée avant le jour dans un char à bancs qu'on avait garni de coussins et de paille. Sans cela, je n'aurais pas laissé partir la malade. Elle avait amené avec elle une jeune personne à bonne figure respectable, qu'elle a nommée Esther Jobling ou Gobson ou quelque chose dans ce genre. J'ai une mémoire infidèle et je ne veux rien inventer. Mrs. Marchmont est allée tout droit vers ma jeune dame et elle tremblait de tout son corps. La jeune femme nommée Esther a éveillé la malade doucement, l'a embrassée en pleurant et un homme qui conduisait le char à banc, il avait l'air d'un petit commerçant à son aise, a fait approcher son véhicule de la porte de devant, ainsi que vous pourrez vous en assurer par la trace des roues, monsieur, si vous ne me croyez pas. Et Mrs. Marchmont et la jeune femme nommée Esther ont fait lever ma jeune dame et l'ont habillée ainsi que l'enfant. Tout cela s'est fait si vite que j'en étais stupéfaite et je n'ai pas pu les en empêcher. Mais j'ai dit à Mrs. Marchmont, « Est-ce l'ordre de Monsieur Marchmont que sa cousine soit emmenée ce matin ?» Elle m'a regardé sèchement et m'a répondu, « Oui. » Elle a toujours des façons brusques, mais ce matin c'était pire que de coutume. Je ne suis qu'une pauvre femme, monsieur, et toute seule, que pouvais-je faire ? N'avez-vous rien de plus à me dire ? Rien, monsieur. Ah, attendez. Elles ont placé ma jeune dame dans le char, et l'homme est monté après, et il est parti de toute la vitesse de son cheval. Il y avait 20 minutes qu'il s'était éloigné, lorsque j'ai commencé à trembler comme une feuille, de peur d'avoir mal agi en les laissant s'en aller. « Vous avez mal agi, » répondit Paul sévèrement, « mais peu importe. Si ces officieux amis de ma pauvre et faible cousine ont bien voulu l'emmener, tant mieux pour moi qu'il l'avait à ma charge depuis assez longtemps. Puisque votre malade est parti, vos services sont inutiles, je serai généreux envers vous, quoique je sois très ennuyé par votre faute et votre stupidité. Vous est-il dû quelque chose ?» Mrs. Brown hésita un moment, puis elle répondit d'un ton insinuant. « Il ne m'est pas dû de gage, monsieur, non, pas de gage. Vous m'avez payé un trimestre à l'avance, il y a 15 jours, et je vous ai donné un reçu de la somme, monsieur. Mais j'ai fait mon devoir, monsieur, et je n'ai pas eu grand repos. Ma santé n'est plus ce qu'elle était quand je me présentais à vous sur votre demande d'une personne respectable et ne refusant pas d'aller à la campagne pour y soigner une malade. Je vous dirai franchement, monsieur, que si j'avais su que dans le pays on était exposé à attraper la fièvre comme on l'a ici, et qu'il y avait dans la maison assez de rats pour effrayer une armée, je n'aurais pas accepté la place. Aussi, tout cadeau que vous jugerez convenable, après avoir tout pris en considération, et... C'est bon, » dit Paul Marchman, prenant une poignée de monnaie blanche dans la poche de son gilet. « Je suppose qu'un billet de 10 livres vous contentera. »« Oh oui, monsieur, c'est beaucoup de générosité de votre part. »« Très bien. J'ai ici un billet de 5 livres et 5 sovereigns. » « Ce que vous avez du mieux à faire, c'est de repartir pour Londres aussitôt. Il y a un train qui passe à la station de Milsom à 11 heures. Milsom n'est pas à plus d'un demi-mille d'ici. Faites vos paquets. Il y a bien quelque enfant dans les environs qui vous les portera. »« Oui, monsieur, il y a un enfant nommé William. Il ira avec vous alors. Et si vous ne perdez pas de temps, vous pourrez prendre le train de 11 heures. »« Oui, monsieur, je vous remercie bien. Je ne veux pas de remerciements. Veillez à ne pas manquer le train. » C'est tout ce dont vous aurez à vous préoccuper. M. Marchmont revint dans le jardin. Il avait en somme fait quelque chose. Il avait pris ses mesures pour éloigner cette femme. Si par un hasard quelconque il était possible de conserver le secret de l'existence de Mary, c'était déjà là un témoin de disparu. Mais lui restait-il quelque chance? M. Marchmont s'assit sur un vieux banc vermoulu et essaya de songer, essaya d'envisager nettement sa position. Non, il n'y avait plus d'espoir pour lui. De quelque côté qu'il regardât, il n'y avait pas un rayon d'espérance. Avec George Weston, Olivia, Betsy Morel, la servante et Esther Jobson témoignant contre lui, que pouvait-il espérer? Le médecin pourrait déclarer que l'enfant était le fils de Mary, son fils légitime, seul héritier de ce domaine dont Paul avait pris possession. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'était pas possible qu'Olivia hésitât dans son projet, car n'avait-elle pas amené avec elle 2 témoins? Esther Jobson et son mari. Dès lors, elle n'était plus maîtresse de ses actions. L'honnête charpentier et sa femme veilleraient à ce que Mary fût réintégrée dans ses droits. « Ce sera une belle spéculation pour eux, » se dit Paul Marchmont, qui mesurait naturellement les autres à son aune. Oui, sa ruine était complète. Elle avait fondu sur lui rapide et soudaine comme le caprice d'une folle, ou le tonnerre de la Providence offensée. Que faire? S'enfuir? Gagner par les sentiers détournés et les traverses la station la plus voisine, se cacher dans un wagon de 3e classe se dirigeant vers Londres et de Londres se rendre à Liverpool pour aller à New York sur quelques navires des migrants. Il ne pouvait pas même adopter ce plan, car il n'avait pas de quoi payer le billet de chemin de fer pour la première station de sa fuite. Après avoir donné les 10 livres à Mrs. Brown, il n'en restait plus que quelques shillings dans la poche de son gilet. Il n'avait sur lui qu'un seul objet de valeur, sa montre, qui avait coûté 50 livres. Mais les armes de Marchmont étaient gravées sur la boîte, et le nom de Paul en toutes lettres, ainsi que l'adresse de Marchmont Towers, était à l'intérieur. Ainsi, toute tentative de vente amènerait inévitablement la découverte du maître de cet objet. Paul Marchmont n'avait rien mis de côté pour ce genre de malheur. Confiant au possible dans ses talents, il n'avait jamais imaginé la découverte et la ruine. Ses plans avaient été si bien arrangés. Le jour même du second mariage d'Edward, Mary et son enfant auraient été emmenés dans un des districts les plus reculés du pays de Galles, et l'artiste se serait moqué du danger. Le rusé intrigant aurait su gouverner cette pauvre jeune femme au cœur brisé, qui par ses malheurs en était venue à considérer comme dénuée de toute joie possible une vie qu'elle endurait patiemment, comme une lente maladie que la tombe guérirait à coup sûr. Il avait été si facile de faire du mal à cette douce victime ignorante que Paul était devenu hardi et confiant et n'avait pas cru possible la ruine qui fondait alors sur lui. Que fallait-il faire? Quelle était la nature de son crime et quelle pénalité avait-il encouru? Il essaya de répondre à ces questions, mais comme son crime était en dehors du genre ordinaire, il ne connaissait aucune loi qui lui fût applicable. Était-ce félonie que cette appropriation du bien d'une autre personne, cette dissimulation de l'existence d'une autre personne, ou bien était-ce seulement une intrigue que ne pouvait punir aucune loi criminelle? Et serait-il simplement obligé de restituer ce qu'il avait dépensé et prodigué? Qu'importait, en somme, dans les deux cas, c'était la ruine irréparable. Il y a des hommes qui peuvent survivre à une défaite ou à la découverte de leur malversation, commencer une vie nouvelle dans un monde nouveau et réussir dans une autre carrière. Mais Paul Marchmont n'était pas de ce nombre. Il ne pouvait glisser un couteau de chasse et une paire de pistolets dans son ceinturon, jeter une gypsière sur ses épaules, s'armer d'un fusil et s'en aller dans les forêts d'un pays non civilisé pour devenir éleveur de moutons et lutter contre une race d'agriculteurs sauvages. Il était cockney, et pour lui il n'y avait qu'un monde, un monde où les hommes portaient des bottes vernies et des épingles de chemise émaillées avec portrait de la Montespan ou de la Dubarry, avaient leurs appartements Albany et s'offraient mutuellement des petits dîners à Greenwich et à Richmond, ou bien faisait grande figure dans une belle maison de campagne et collectionnait des objets d'art dans une galerie ou un musée de bric-à-brac. C'était là le monde en dehors duquel Paul Marchmont avait vécu si longtemps, regardant ses brillants habitants d'un œil d'envie tant qu'il avait été pauvre et obscur. C'était là le monde dans lequel il avait enfin pénétré par un crime. Il avait 40 ans, et dans toute sa vie, il n'avait eu qu'une seule ambition, celle de devenir le maître de Marchmont Towers. L'espoir éloigné de cet héritage lui avait toujours apparu depuis son enfance comme une proie brillant dans le lointain, mais brillant au point de l'empêcher de voir les occasions de succès plus rapprochées. À quoi bon s'enchaîner à son chevalet et travailler pour devenir un grand peintre? À quel moment l'art lui rapporterait-il 11 000 livres par an? Le plus grand peintre du temps de M. Marchmont habitait un misérable logement de Chelsea. C'était avant l'époque des Railway Station et des Derby Day. Peut-être Paul aurait fait un effort pour devenir ce que le ciel n'avait pas voulu faire de lui, un grand peintre. Non. L'art était seulement un moyen d'existence pour cet homme. Il peignait et il vendait ses tableaux à un petit nombre de brocanteurs qui marchandaient sans pitié et ne lui donnaient qu'un petit profit en sus du prix de la toile et des couleurs pour encourager l'art natif, mais il ne peignait que pour vivre. Il attendait. Depuis l'époque où il avait pu parler, Marchmont Towers avait été un mot familier à ses oreilles et sur ses lèvres. Il savait le nombre de personnes qui se dressaient entre son père et le domaine, et il avait appris à lire alors avec assez de naïveté. « Oh, papa, ne souhaitez-vous pas que mes oncles Philippe et Marmaduke et mon cousin John meurent bientôt ?» Quand son père mourut, il était dans sa 22e année, et il éprouva une certaine satisfaction même au milieu de sa douleur en pensant qu'il y avait une personne de moins entre lui et le but de ses espérances. Mais d'autres personnes étaient nées dans l'intervalle. Il y avait le jeune Arthur et la petite Mary, et Marchmont Towers était comme un caravansérail dans le désert qui semblait s'éloigner de plus en plus à mesure que le voyageur s'efforce de l'atteindre. Pourtant, Paul espéra, épia et attendit. Il avait tous les instincts d'un sybarite, et il se figurait à cause de cela qu'il était destiné à devenir riche. Il épia, attendit, espéra, et consola sa mère et sa sœur quand elles étaient tristes en leur promettant des jours meilleurs. Lorsque la chance vint, il la saisit, intrigua, réussit et savoura son court triomphe. Mais maintenant que la ruine était son partage, que devait-il faire? Il essaya de se tracer un plan de conduite, mais il ne put pas. Son cerveau faiblit sous l'effort qu'il fit pour se rendre compte de sa position. Il se promena dans l'une des allées du jardin jusqu'à 10h15. Ensuite, il rentra dans la maison et attendit que Mrs. Brown fût partie de la ferme de Stone et Stringford, avec l'enfant qui portait 2 paquets, un carton à chapeau et un sac de voyage. « Revenez ici quand vous aurez porté cela à la station, » dit Paul. « J'aurai besoin de vous. » Il regarda la porte délabrée se balancer après le départ de Mrs. Brown et de son commissionnaire. Puis il alla examiner son cheval. Le patient animal était resté tout le temps sous un hangar et n'avait eu ni à manger ni à boire. Paul fouilla dans les granges et les appentis vides et trouva quelques poignées de fourrage. Il les porta au cheval et revint au jardin. à ce paisible jardin où les abeilles bourdonnaient bruyamment au soleil, et où un grand chat zébré dormait étendu sur le flanc dans l'une des plates-bandes. Paul Marchmont attendit avec beaucoup d'impatience le retour de l'enfant. « Il faut que je voie Lavinia, » songeait-il. « Je n'ose pas partir d'ici avant d'avoir vu Lavinia. » « Je ne sais pas ce qui peut se passer à Linksworth ou à Camberling. La populace se mêle quelquefois de ces choses-là. Elle pourrait se soulever contre moi, elle pourrait... » Il demeura immobile, rongeant ses ongles et regardant le sable de l'allée. Il pensa à des choses qu'il avait lues dans les journaux, à des circonstances dans lesquelles une mère cruelle qui avait maltraité son enfant ou un assassin soupçonné, qui selon toute probabilité humaine avait empoisonné sa femme, avait failli être mis en pièces par une foule furieuse et s'était vu forcé de recourir à la protection des officiers de justice pour qu'on les laissât en prison après l'acquittement et qu'ils ne fussent pas exposés à l'indignation des honnêtes gens. Il se souvint d'un cas particulier où la populace, ne pouvant s'emparer de la personne d'un homme, renversa sa maison et épuisa sa fureur contre des briques et du mortier insensible. M. Marchmont tira un petit agenda et griffonna quelques lignes au crayon. « Je suis ici à la ferme de Stoning Stringford, » écrivit-il. « Pour Dieu, venez à moi, Lavinia, sur le champ. Vous pourrez conduire vous-même. Je veux savoir ce qui est arrivé à Hillingworth et à Camberling. Informez-vous de tout de suite et venez. P.M. » Il était près de midi quand l'enfant revint. Paul lui donna cette lettre, le hissa sur son cheval et lui dit d'aller à Camberling au plus vite. Il laisserait l'animal à Camberling, dans l'écurie de M. Weston, et reviendrait à Stone et Stringford avec Mrs. Weston. Cet ordre, Paul le répéta avec soin à l'enfant, de peur qu'il ne s'arrêtât à Camberling et ne révélât le secret de la cachette. M. Paul Marchmont avait peur. Une frayeur terrible s'était emparée de lui, et le peu de courage qu'il n'avait jamais eu lui faisait complètement défaut. Oh, qu'elles furent longues, les mortelles heures de cette misérable journée! Qu'il fut hideux, ce soleil qui brûlait la tête nue de M. Marchmont, pendant qu'il errait dans le jardin. Il avait laissé son chapeau dans la maison, mais il ne savait pas même qu'il était nu-tête. Oh, que de douleur lui causait l'incertitude et l'angoisse de ce long jour! Il songea à sa défaite complète, à ce qu'il aurait pu faire, à l'argent qu'il aurait pu mettre de côté au lieu de le prodiguer en tableaux, en décorations, en arrangements, et en extravagances luxueuses et splendides. Telles étaient les pensées qui le torturaient. Mais durant toute cette longue et misérable journée, il n'éprouva jamais un seul remords pour toutes les angoisses qu'il avait infligées à son innocente victime. Au contraire, il la haïssait parce qu'elle avait été découverte, et il grinçait des dents en songeant qu'elle et son jeune mari jouiraient de toute la grandeur de Marchmont Towers, de tout ce beau revenu qu'il avait espéré garder jusqu'à sa mort. Il commençait à faire nuit lorsque M. Marchmont entendit le bruit des roues dans le sentier poudreux en dehors du mur du jardin. Il traversa la maison et arriva dans la cour de la ferme assez à temps pour recevoir sa sœur Lavinia à la porte. C'étaient les roues de la voiture en osier de sa sœur qu'il avait entendues. Elle conduisait deux poneys que Paul lui avait donnés. Il grinça des dents en se souvenant que c'était là une autre extravagance, une autre somme d'argent follement dépensée qu'il aurait pu conserver pour ce jour de malheur. Mrs. Weston était très pâle, et son frère put voir sur sa figure qu'elle ne lui apportait pas de bonnes nouvelles. Elle laissa les poneys sous la garde de l'enfant et entra dans le jardin avec son frère. « Eh bien, Lavinia ?»« Eh bien, Paul, c'est une terrible affaire, » dit Mrs. Weston à voix basse. « Tout cela l'œuvre de George. Tout cela est l'œuvre de cet infernal coquin, » s'écria Paul avec rage. « Mais il paiera cher, ça. Ne parlons pas de lui, Paul. Aucun bien ne peut en résulter. Qu'allez-vous faire ?»« Je ne sais pas. Je vous ai envoyé chercher parce que j'avais besoin de votre aide et de vos conseils. À quoi bon venir si vous ne m'apportez pas du secours? Ne soyez pas cruel, Paul. Dieu sait que je ferai de mon mieux. Mais je ne puis voir ce qu'il faut faire. À moins que vous ne partiez, Paul. Tout est dévoilé. Olivia a empêché publiquement le mariage dans l'église de Hillingsworth. Et tous les habitants de Hillingsworth ont suivi la voiture d'Edward Arundel à Camberling. La nouvelle a circulé avec la rapidité de l'incendie, Paul. Et les gens de Camberling se sont ameutés contre nous. Ils ont brisé nos vitres et toute la journée, il y a eu foule sur la terrasse des Towers. On a essayé d'entrer dans la maison en disant qu'on savait que vous y étiez caché quelque part. Paul, Paul, que faut-il faire? On m'a hué quand j'ai passé dans la grande rue et les enfants ont jeté des pierres au poney. Presque tous les domestiques ont quitté les Towers. Les constables y sont venus pour essayer d'éloigner la populace. Mais que faire, Paul, que faire ? Nous tuer, répondit l'artiste avec rage. Quelle autre partie nous reste-t-il ? Dans quel but chercher à vivre ? Vous avez un peu d'argent, je présume. Moi, je n'en ai pas. Croyez-vous que je vais recommencer la vie d'autrefois ? Croyez-vous que je vais retourner vivre dans la vieille maison de Charlotte Street et dessiner les mêmes rochers, les mêmes murs de cailloux, les mêmes étendues d'eau, les mêmes rayons de lumière jaune, tous mes vieux sujets au prix d'un morceau de pain ? Croyez-vous que je pourrais me résoudre de nouveau à porter des habits râpés, à faire de misérables dîners, du hachis de mouton avec des morceaux de viande de rebut flottant dans une composition graisseuse nommée Saint-Doux, et boire du porter aimanté apporté une demi-heure trop tôt de la taverne ? Croyez-vous que je retournerai à tout cela ? Non. J'ai goûté à la crème de la vie, j'ai vécu, et je ne veux plus revenir à cette mort vivante, appelée pauvreté. Croyez-vous que je puisse me réinstaller dans cette allée de Charlotte Street pour y être malmené par un grossier collecteur de taxes ou insulté par un boulanger furieux ? Non, Lavinia, j'ai tenté la fortune et j'ai échoué. Mais que ferez-vous, Paul ? Je ne sais, répondit-il tristement. Ceci était un mensonge. Il savait très bien ce qu'il allait faire. Il voulait se tuer. Cette résolution lui donnait une espèce de courage désespéré. Il échapperait ainsi à la foule. Il s'en irait quelque part tranquillement et il s'y tuerait. Il ne savait pas encore comment, mais il réfléchirait mûrement à ce sujet et il choisirait la mort qui lui paraîtrait le moins pénible. « Où sont ma mère et Clarissa ? » demanda-t-il tout à coup. « Elles sont chez nous. Elles sont venues aussitôt qu'elles ont su ce qui s'était passé. Je ne sais pas comment elles l'ont appris, mais chacun l'a su en même temps à ce qu'il paraît. » Ma mère est dans un état affreux. Je n'ai pas osé lui dire que je savais tout depuis longtemps. Oh, évidemment non, répondit Paul avec un ricanement. Laissez-moi porter tout seul le poids de mon crime. Qu'a dit ma mère ? Elle persiste à dire : je ne puis croire cela. Je ne puis croire qu'il ait été cruel. Il était si bon fils. Je n'ai pas été cruel, s'écria Paul avec véhémence. Marie a eu tout le confortable voulu. Je n'ai jamais regardé à l'argent pour elle. C'était une misérable créature apathique. La fortune était un fardeau plutôt qu'un avantage. Si je l'ai séparée de son mari ? Bon, était-ce donc là une bien grande cruauté ? Elle n'était pas plus mal que si Edward Arundel eût été tué dans cet accident du chemin de fer, et cela aurait pu se faire. Il ne perdit pas beaucoup de temps à raisonner sur ce sujet. Il songea à sa mère et à ses sœurs. D'un bout à l'autre, il avait été bon fils et bon frère. Quel argent avez-vous, Lavinia ? Une assez forte somme. Vous avez été très généreux pour moi, Paul, et je vous le redonnerai, si vous le voulez. J'ai en tout plus de 2000 livres, car j'étais économe de l'argent que vous m'avez donné. Vous avez bien fait. Écoutez-moi maintenant, Lavinia. J'étais un bon fils, et j'ai porté mon fardeau sans me plaindre. À votre tour maintenant de porter le vôtre. Il faut que je retourne à Marchmont Towers, si je puis, et que j'y ramasse tout ce qui m'appartient personnellement. Ce n'est pas grand-chose, quelques bijoux et autres objets de ce genre. Vous m'enverrez quelqu'un en qui vous avez confiance pour que je les lui donne ce soir, car je ne resterai pas une heure aux Towers. Il se peut même que je n'y sois pas reçu, car Edward Arundel en a peut-être déjà pris possession au nom de sa femme. Ensuite, vous déciderez en quel endroit vous irez. Vous ne pouvez rester dans cette partie du pays. Weston sera passible de quelques pénalités pour la part qu'il a prise à l'affaire, à moins qu'il ne soit acheté comme témoin pour constater l'identité de l'enfant de Marie. Je n'ai pas le temps de songer à tout cela. Je veux que vous me promettiez de prendre soin de votre mère et de votre sœur malade. Je vous le promets, Paul, je vous le promets. Mais dites-moi ce que vous ferez vous-même et où vous irez. Je ne sais, répondit Paul Marchmont du même ton qu'auparavant. Mais quoi que je fasse, je tiens à ce que vous me fassiez la promesse solennelle d'être bonne pour ma mère et ma sœur. Je le serai, Paul. Je vous promets de faire pour elles comme vous avez fait. Vous ferez bien de quitter Camberling par le premier train de demain. « Emmenez ma mère et Clarissa avec vous. Prenez tout ce qui en vaut la peine et laissez Weston derrière vous pour faire tête à l'orage. Vous pourrez trouver un logement aux environs de notre demeure d'autrefois et personne ne vous tourmentera une fois que vous serez loin d'ici. Mais n'oubliez pas une chose, Lavinia. Si l'enfant de Mary Arundel mourait, Clarissa héritera de Marchmont Towers. Souvenez-vous-en. C'est une chance bien incertaine, mais c'est une chance. Mais il est bien plus probable que ce sera vous et non Clarissa. » qui survivrait à Marie et à son enfant, répondit Mrs. Weston, essayant faiblement d'espérer. Pensez à cela, Paul, et que cette espérance vous anime. Espérance ! s'écria M. Marchmont avec un rire discordant. « Oui, j'ai 40 ans. Et pendant 35 ans, j'ai espéré et attendu. Je ne puis plus ni espérer ni attendre. Je renonce à Marchmont Towers. J'ai lutté vaillamment, mais je suis battu. » La nuit était arrivée pendant ce temps, la nuit claire d'une soirée d'été et des étoiles brillaient faiblement au ciel. « Vous pouvez me ramener aux Towers, » dit Paul Marchmont. « Je ne veux pas perdre de temps pour y arriver. Je puis trouver les portes fermées par Edward Arundel si je n'y prends pas garde. » Mrs. Weston et son frère revinrent dans la cour de la ferme. Il y avait 16 000 de Stone et Stringford à Camberling, et les poneys étaient tout fumants, car la vigne était venue d'un bon pas. Mais ce n'était pas le moment de s'apitoyer sur les chevaux. Paul prit une couverture sur le siège vide et la roula autour de lui. Il n'était pas probable qu'il fût reconnu dans l'obscurité en occupant le siège le plus bas. La lourde couverture dont il s'était enveloppé le grossissait. Mrs. Weston prit le fouet des mains de l'enfant, ramassa les rênes et fouetta les chevaux. Paul n'avait pas laissé d'ordre au sujet de la garde de la vieille ferme. L'enfant rentra chez son maître à l'autre bout de la ferme, et les vents de la nuit soufflèrent comme bon leur sembla à travers l'habitation abandonnée.